الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد, on continue toujours la traduction de l'explication de l'Umad al-I'tiqad al-Hadi la Sabil al-Rashad de l'imam Qudama al-Maqdisi rahimahullah, une explication de Cheikh al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. قال المؤلف: فصل في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Le chapitre dans les droits du prophète صلى الله عليه وسلم et de ses compagnons. يقول الشيخ الفوزان: لما تكلم المؤلف رحمه الله في أول هذه العقيدة عن الإيمان بالله والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر, بعد ذلك عقد هذا الفصل لبيان حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وحقوق أصحابه وحقوق زوجاته, لأجل أن يكون المسلم على بصيرة مما اختلف فيه أهل الأهواء والمبتدعة في حق الصحابة وفي حق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك, لئلا تؤثر عليه هذه الأهواء وهذه الشبهات التي يريدها هؤلاء الضالون, فيكون المسلم على بصيرة. Donc l'auteur, l'imam Qudama al-Maqdisi rahimahullah, après avoir parlé de la croyance et de la foi en Allah azawajal et de la croyance aux anges, aux livres d'Allah, en ses prophètes, au jour du jugement, la croyance au destin, il ouvre ensuite le chapitre des droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que des droits de ses compagnons, ainsi que des droits de ses femmes, sallallahu alayhi wa sallam, afin que le musulman soit clairvoyant sur les positions qu'il doit avoir vis-à-vis de toutes ces personnes, et également de savoir ou de pouvoir répondre aux innovateurs et à ceux qui suivent leur passion et qui portent atteinte aux droits des compagnons et aux droits des femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, afin que les ambiguïtés soient éclaircies et que le musulman soit épargné de l'égarement et qu'il adore Allah Azza wa Jal en toute clairvoyance. هذا هو السبب في النص على حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وحقوق أصحابه وحقوق زوجاته عليه الصلاة والسلام, ذلك لأن حقوق أصحابه وحقوق زوجاته داخلة في حق النبي صلى الله عليه وسلم, وحق النبي هو الأصل وهذه داخلة في حقوقه, وهذا فصل مما يجب العناية به ومعرفة أحكامه. Et c'est pour cela que l'auteur a cité ce chapitre pour montrer tous ses droits, car les droits des compagnons et les droits des femmes du prophète صلى الله عليه وسلم font partie des droits du prophète صلى الله عليه وعلى آله وسلم. C'est donc un chapitre qu'il faut absolument maîtriser et dont il faut connaître également les jugements. وكذلك ذكر في فصل في هذا الفصل حقوق المسلمين وعدم تكفير المسلم وعدم تكفير المسلم بسبب ذنب ارتكبه وعدم الغلو في الأشخاص وأن لا يحكم لأحد بالجنة أو بالنار بدون دليل من الكتاب ومن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, لأن كل هذه المسائل وقع فيها كثير من أهل الضلال وخالفوا الحق فيها, فكان واجبا على أهل السنة والجماعة أن يبينوها ويوضحوها. Et également l'auteur a cité dans ce chapitre les droits des musulmans, et qu'il est interdit de rendre mécréant un musulman à cause d'un péché qu'il aurait pu commettre, et également de ne pas abuser sur les personnes et de ne pas juger du paradis ou de l'enfer, ou de ne pas juger une personne qu'elle fasse partie des gens de l'enfer ou des gens du paradis, sauf en ayant une preuve du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car dans ce sujet ou dans ce domaine, beaucoup se sont égarés et beaucoup se sont déviés de la vérité. Il est donc obligatoire pour les gens de la sunna de démontrer cela et de l'expliquer. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. Et Muhammad, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, est le sceau des prophètes. محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة فهو آخر الأنبياء وهو خاتمهم صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. محمد صلى الله عليه وسلم est donc le sceau des prophètes, celui qui a clôturé la prophétie. Il n'y a donc pas de prophète après lui, sallallahu alayhi wa sallam, et ceci jusqu'à l'heure, jusqu'à ce que l'heure arrive. C'est donc le dernier des envoyés, et c'est celui qui les clôture. Allah Azza wa Jalla a dit, Muhammad n'est le père d'aucun d'entre vos hommes, mais c'est l'envoyé d'Allah et le sceau des prophètes. Mais c'est l'envoyé d'Allah et le sceau des prophètes, comme ce verset est cité dans Sourate Al-Ahzab, le verset 40. والخاتم أو الخاتم بالكسر هو الآخر الذي ليس بعده رسول ولا نبي ولكن شريعته صلى الله عليه وسلم باقية ومستمرة إلى أن تقوم الساعة وكاملة لا تحتاج إلى بعثة نبي جديد كأن النبي صلى الله عليه وسلم مستمر بين أظهرنا وذلك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا حاجة إلى بعثة نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الأنبياء كانت تبعث إذا اندثرت آثار الرسالة آثار الرسالات وعم الجهل في الأمم السابقة كلما مضى نبي خلفه نبي آخر يجدد للناس الدين والخاتم أو الخاتم بالكسر signifie le dernier. C'est-à-dire qu'il n'y aura après lui ni prophète, ni envoyé. Et ceci, Cheikh Fawzan répond directement, il ne le cite pas ici clairement, mais il répond directement à la secte Al-Qadianiyya, qu'il va citer par la suite, qui utilise le verset d'Allah Azza wa Jal, « وَلَكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ » Mais c'est l'envoyé d'Allah et le sceau des prophètes. Al-Khatam, c'est celui qui clôture, ou c'est Al-Khatam, c'est aussi le tampon. C'est celui qui vient clôturer et fermer la prophétie. Et cette secte Al-Qadianiyya, qui prétend que Ghulam Ahmad Al-Qadiani, un Pakistanais, est un prophète. Et il le croit, il a des personnes qui le suivent à notre époque. Et il prétend, ou il s'autoproclame prophète. Et ils disent dans ce verset, Allah Azza wa Jalla dit, وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. Et ce n'est pas ici le sceau des prophètes qu'il faut comprendre, mais c'est الخاتم, à savoir que c'est la bague. Et la bague dans une main, qu'est-ce qu'elle fait? Elle embellit le doigt dans lequel elle se trouve. Donc ils disent que dans ce verset, Allah Azza wa Jalla veut dire que c'est le meilleur des prophètes et celui qui a le plus de mérite. Mais cela ne veut pas dire que c'est le dernier. D'accord ? Et Cheikh Fawzan explique, et c'est la langue arabe qui l'explique même, « Wal khatam aw al khatim » signifie le dernier. Et c'est l'unanimité des savants sur l'explication de ce verset. C'est-à-dire que c'est le dernier, il n'y a donc plus de prophète et plus d'envoyé après lui, sallallahu alayhi wa sallam, mais sa législation reste, et elle restera jusqu'à l'arrivée de l'heure. Et la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam est complète, elle n'a pas besoin d'être renouvelée, comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parmi nous, et ceci grâce au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette communauté n'a donc plus besoin qu'un prophète lui soit envoyé. Car les prophètes étaient envoyés lorsque les législations étaient délaissées, lorsque les législations étaient oubliées, et lorsque les communautés étaient plongées dans l'ignorance et dans le polythéisme. C'est là où Allah subhanahu wa ta'ala renvoyait un prophète afin de revivifier et de renouveler la religion de celui qui l'a précédé. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة الكاملة المحفوظة من التغيير والتبديل الوافية بحاجات العباد إلى أن تقوم الساعة فكأنه صلى الله عليه وسلم حي لا يحتاج الناس إلى بعثة رسول جديد كما قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc venu avec cette législation qui est complète et qui est protégée de toute modification et de toute falsification. Et cette législation suffit amplement aux serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala et elle suffira jusqu'à ce que l'heure arrive. Cela revient donc à considérer, ou c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant et à nos côtés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous ai laissé, ou j'ai laissé des choses pour vous, lorsque vous y êtes cramponnés, vous ne connaîtrez jamais l'égarement après moi, le livre d'Allah et ma sunnah. فلذلك ختمت الرسالة بالرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسالته مستمرة إلى أن تقوم الساعة وشريعته باقية إلى أن تقوم الساعة وإنما يأتي بعده المجددون من أهل العلم الذين يوضحون الشريعة للناس ويعلمون الناس ما جهلوا منها فليس بعده رسول وإنما بعده العلماء والمجددون كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها وقال صلى الله عليه وسلم إنما العلماء ورثة الأنبياء فالعلماء من هذه الأمة يقومون مقام النبي صلى الله عليه وسلم في البيان والإيضاح والهداية للناس فلا نبي بعده وهذا في القرآن قال الله في حق نبيه ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Bien cher Fawzan, Hafidhahu Allah dit, la prophétie est donc clôturée, il n'y aura donc plus de prophètes, mais ce sont des revivificateurs qui vont venir parmi les savants. Des revivificateurs parmi les savants qui vont expliquer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'enseigner aux gens. Il n'y aura donc après le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus de prophètes, mais des savants revivificateurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, Allah azza wa jalla envoie à cette communauté, à la tête de chaque centenaire, des personnes qui revivifient la religion. Qui revivifient sa religion, c'est-à-dire la religion de cette communauté. Donc, au début de chaque siècle, Allah azza wa jalla envoie ou fait en sorte que des savants revivificateurs qui enseignent la religion aux gens et leur expliquent et leur apprennent cette religion afin que celle-ci soit revivifiée. Et il n'y a nul doute que Cheikh Ibn Baz et Cheikh Al-Albani rahimahullah font partie de ces revivificateurs de ce siècle, à savoir du siècle égyrien, car on parle en Égypte de l'année 1000, le siècle 1400, le 15e siècle, voilà le 14, là, 14 ou 15, 15e, le 15e siècle. Et effectivement, ils sont apparus, ou ils sont connus bien sûr depuis longtemps, mais ils existaient et ils ont enseigné et revivifié la religion d'Allah Azza wa Jal au début de ce siècle. Ils ont vécu dans le début de ce siècle. Donc ils rentrent dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la terre entière en est témoin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les savants sont les héritiers des prophètes. Ce sont donc les savants qui prennent la place des prophètes, non pas parce que la révélation leur descend sur eux, non, mais ils prennent la place des prophètes dans la fonction de transmettre le message d'Allah, dans la fonction d'expliquer et de guider les gens vers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. وفي قوله إنه سيأتي بعدي كذابون ثلاثون كلهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. حديث حسن رواه أبو داود بن ماجه والترمذي. فمن اعتقد أنه يأتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أو أنه يبعث نبي فهو كافر، لأنه مكذب لله ومكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم ومخالف لإجماع المسلمين. ولذلك حكم أهل العلم بكفر كل من ادعى النبوة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي ومن جاء بعده ممن يدعي النبوة حكموا بكفره. Et dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il viendra après moi 30 imposteurs. Tous prétendront être prophètes et je suis le dernier des prophètes. Point de prophète après moi. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa ana khatamun nabiyyin, je suis le sceau des prophètes, et il a expliqué en plus point de prophète après moi. Point de prophète après moi. Celui donc qui croit que viendra après le prophète sallallahu alayhi wa sallam un prophète, qu'il sera envoyé, ou qu'un envoyé sera envoyé par Allah Azza wa Jal, c'est un mécréant, il sort de l'islam, car il a traité de mensonge ou de menteur Allah Azza wa Jal, il a traité de menteur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il contredit le consensus des musulmans et l'unanimité des musulmans. Pour cela que les savants considère non musulman toute personne qui prétend être prophète après Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, comme Musaylima al-Kadhab et comme Al-Aswad al-Ansi, et tous ceux qui sont venus après eux prétendant la prophétie, et bien les savants n'ont pas hésité une seconde à les considérer comme étant non musulmans. Musaylima al-Kadhab et Al-Aswad al-Ansi, qui ont prétendu la prophétie pendant le vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi wa sallam a vu dans un rêve, et le hadith est rapporté dans Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et c'est le hadith d'Abu Huraira qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu en rêve qu'on lui apportait les biens de cette terre et qu'on lui a donné, et on lui a mis sur chacune ou chacun de ses poignets un bracelet en or. Un bracelet sur la main gauche et un bracelet sur la main droite. Et le prophète sallam dit dans le hadith que cela l'a dérangé et cela était trop pour lui. Pourquoi ? Car l'or est interdit pour les hommes en islam. Et le fait d'avoir des bracelets sur les deux poignets, cela a dérangé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a été dit, souffle sur ses poignets, souffle sur ses bracelets. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a soufflé et ils se sont envolés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et j'interprète ce hadith comme étant les deux menteurs et les deux imposteurs qui prétendront être des prophètes. Et effectivement, et les savants ont expliqué que ceux qui sont voulus dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Al-Ansi qui était au Yémen, et c'est Musaylima al-Kadhab. Ce sont les deux qui sont voulus dans ce hadith, et ce sont les deux qui ont prétendu être prophètes et ont prétendu la prophétie au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Ansi a été tué au temps du prophète alayhi wa sallam au Yémen, et Musaylim al-Kadhab a été tué lors de Al-Khilafa, lors de la gouvernance de Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. وكذلك حكموا بكفر القديانية الذين يعتقدون نبوة غلام أحمد القدياني في باكستان. فهؤلاء كفار خارجون من الملة، لأنهم زعموا أن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم رسولا يبعث فكفروا، لأنهم اعتقدوا أن هذا الرجل وهو غلام أحمد القدياني نبي ويسمون بالقديانية نسبة إليه. Également, les savants ont considéré non-musulmans et mécréants Al-Qadianiyah qui croient en la prophétie de Ghulam Ahmad Al-Qadiani au Pakistan. Ce sont donc des non-musulmans qui sortent de l'islam car ils prétendent qu'il y a, après l'envoyé d'Allah Azzawajal, un prophète qui a été envoyé. Et ils considèrent que cet homme, à savoir Ghulam Ahmad Al-Qadiani, est prophète, et c'est pour cela qu'il se proclame Al-Qadianiyah, c'est-à-dire en se référant à Al-Qadiani, à Ahmad Ghulam Al-Qadiani. فهو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لا نبي بعده هذه عقيدة يجب على المسلم أن يعتقدها وأن يكذب كل من ادعى النبوة بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم est donc le dernier des prophètes, et ceci est une croyance que doit avoir le musulman. Il doit être sûr et persuadé, il doit en avoir la certitude ferme, et de traiter de menteurs tous ceux qui prétendraient la prophétie après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa amma nuzul Isa alayhi salam fi akhir az-zaman fa innahu yanzilu bi shari'ati ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam fa yakunu tabi'an li Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yahkumu bi shari'atihi wa la ya'ti bi shari'atin ghayraha فهو يعتبر من المجددين ومن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نزل فإنه سيكون من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يشكل نزول المسيح عليه السلام في آخر الزمان مع قوله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين ومع قوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين لأن المسيح بنزوله ومكثه في الأرض يحكم بالإسلام وبشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. Et quant à la descente de Isa عليه السلام, à la fin des temps, est-ce que cela contredit le fait que le prophète Mohammed s.a.w. est le dernier des prophètes? Non, cela ne contredit pas. Pourquoi? Car Isa a.s., lorsqu'il va descendre dans la fin des temps, il jugera par l'islam et appliquera l'islam qui est la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Isa a.s. sera donc considéré comme un mujaddid, comme un revivificateur, comme un revivificateur de la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Mais cela n'enlèvera pas le statut, son statut de prophète. Il reste un prophète. Isa alayhi sallam restera un prophète. Et la preuve, c'est que même le jour du jugement, les gens iront vers lui. Pourquoi ils iront vers lui? Car ils considéreront que c'est un prophète. Donc c'est un prophète, mais ce n'est pas un prophète qui a été envoyé après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ce n'est pas un prophète qui est venu avec une autre religion, mais il descendra en appliquant l'islam, et notamment en cassant les croix et en tuant les porcs. Il n'y a donc aucune contradiction entre la descente de Isa et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je suis le dernier des prophètes, et la parole d'Allah azzawajal, mais c'est l'envoyé d'Allah et le sceau des prophètes. Wa sayyidul mursalin. قال المؤلف وسيد المرسلين et l'auteur Ibn Qudama rahimahullah a dit et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le maître des prophètes. محمد سيد المرسلين وافضلهم هو افضل المرسلين كما قال صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم ولا فخر فهو سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام وذلك لما خصه الله به من عموم رسالته إلى جميع الناس وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبله يبعث إلى قومه خاصة فهذا الرسول بعثه الله إلى الناس عامة. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم محمد est le maître des prophètes et le meilleur d'entre eux. Comme il le dit, sallallahu alayhi wa sallam, je suis le maître des fils d'Adam et point d'ostentation. Point d'ostentation. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit ça par orgueil, et point d'orgueil, afouan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit ça par orgueil, mais il a dit ça car c'est la vérité. C'est donc le maître des prophètes et envoyés, Et ceci car Allah Azzawajal lui a accordé des spécificités nombreuses parmi celles-ci, à savoir que le prophète a été envoyé à l'ensemble de l'humanité, contrairement aux autres prophètes qui eux étaient envoyés à leur peuple uniquement. ولما ظهر من فضله في ليلة الإسراء والمعراج على أن الأنبياء في كونه ولما ظهر من فضله في ليلة الإسراء على الأنبياء في كونه صلى بهم إماما في المسجد الأقصى ورفع فوق ورفع صلى الله عليه وسلم فوق السماوات العلى وهذا مقام لم يصل إليه غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهو أفضلهم على الإطلاق. Également parce que le prophète صلى الله عليه وسلم lors de la nuit de l'ascension, il a présidé la prière. Il était imam et a présidé la prière devant l'ensemble des prophètes et envoyés dans la mosquée de Jérusalem. Puis, il a été élevé, sallallahu alayhi wa sallam, et il est monté jusqu'au-dessus du septième ciel. Et c'est un endroit que nul n'est arrivé ou que nul n'a franchi, sauf lui, sallallahu alayhi wa sallam, c'est donc le meilleur des prophètes, et ceci sans aucun doute. وَالْأَنْبِيَاءُ يَتَفَضَّلُونَ لَا شَكَّ فِي ذَلِكَ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ يَتَفَضَّلُونَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ. Et les prophètes ont des mérites les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire que certains prévalent sur d'autres. Certains prophètes prévalent sur d'autres, et ceci sans aucun doute. Et la preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal, ainsi sont les prophètes. Tilka ar-rusul. Faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Nous avons prévalu certains par rapport à d'autres. Minhum man kallama Allah. Certains parmi ces prophètes, Allah Azza wa Jal leur a adressé, ou s'est adressé à eux, leur a parlé, et certains, Allah Azza wa Jal les a élevés en degrés, et nous avons accordé à Isa, le fils de Marie, les preuves et les signes, et nous l'avons soutenu par l'Esprit Saint qui est جبريل عليه السلام. فالأنبياء يتفاضلون ولكن لا يجوز لنا أن نقتص أو أن ننتقص المفضول وأن نثير هذا الأمر من أجل أن ننتقص المفضول. هذا أمر لا يجوز. نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تفاضلوا بين الأنبياء. Ceci est un fait, à savoir que certains prophètes sont meilleurs que d'autres et certains prévalent sur d'autres. Cela ne fait aucun doute, mais il est interdit de rabaisser et de diminuer de l'importance de ceux qui sont moins meilleurs que les autres et de beaucoup citer ce sujet en disant le prophète sallam c'est le meilleur des prophètes. Le prophète sallam, c'est leur maître, c'est celui qui a la place la plus proche, c'est celui qui aura la récompense la plus grande, etc. Ceci dans le but de dénigrer les autres. Cela est interdit. Effectivement, certains sont meilleurs que les autres, mais cela ne veut pas dire que ceux qui sont moins meilleurs ou ceux qui sont en dessous en termes de degré et de préférence auprès d'Allah Azza wa Jalla, ça ne veut pas dire que l'on doit les dénigrer ou baisser de leur valeur. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit cela lorsqu'il a dit « La tafadalu bayn al-anbiya » Ne faites pas de préférence entre les prophètes. Ne faites pas de préférence entre les prophètes. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam « La tufadiluni ala Yunus ibn Matta » Ne me préférez pas à Yunus ibn Matta, qui est le prophète Yunus alayhi salam. Ici, le prophète alayhi salam montre que le fait que Yunus alayhi salam est en dessous du prophète alayhi salam en termes d'importance et de degré, cela ne veut pas dire que l'on doit préférer le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Younous. Nous devons aimer tous les prophètes alayhi salatu wa sallam, que certains soient plus élevés que d'autres, notre amour doit tous les englober. فلا يجوز انتقاص المفضول من الأنبياء لأن الأنبياء لهم فضل ولهم مكان عند الله وكون بعضهم أفضل من بعض لا يقتضي هذا تنقص المفضول بل كلهم عليهم الصلاة والسلام لهم مكانة عند الله لا يصل إليها غيرهم. Il est donc interdit de rabaisser les mérites des prophètes, car ces prophètes ont des mérites et ils ont une place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ont même plus, ils ont une place auprès d'Allah azza wa jal que n'ont pas autre que, que n'ont pas autre que. ثم قال المؤلف لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته. La croyance d'un serviteur ne peut être bonne et authentique que lorsqu'il croira en son message, c'est-à-dire au message de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويقر بنبوته وفي هذا رد على اليهود والنصارى الذين يزعمون أنهم على الإيمان وأنهم أتباع للأنبياء ولكنهم ينكرون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أو ينكرون عموم رسالاته يقولون هو نبي ولكنه هو للعرب خاصة وينكرون عموم رسالته هذا كفر بالله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس فمن لم يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر وإن ادعى أنه يؤمن بموسى أو بعيسى كاليهود والنصارى وفي هذا رد على من يريد التقريب بين الأديان الثلاثة وينادي الآن بالتقارب بين الأديان الثلاثة ويقول كلها حق قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وهذا ليس صحيحا بل بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر الناس كلهم باتباع هذا الرسول قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Donc la foi ne peut être véritable et véridique que lorsque le serviteur croit au message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et atteste et admet sa prophétie. Il y a dans cela une réponse aux juifs et aux chrétiens qui prétendent qu'ils sont dans la foi et qu'ils suivent les prophètes, mais ils renient et ne croient pas au message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou certains renient le caractère général du message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent c'est un prophète, mais c'est un prophète envoyé aux Arabes uniquement. Il renie donc le caractère général du message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ceci sans aucun doute est de la mécréance envers Allah azza wa jal, car Allah azza wa jal dit dans sourate An-Nisa: par ton Seigneur ils ne seront croyants que lorsqu'ils te jugeront dans ce qui les diverge ou dans les choses sur lesquelles ils divergent, et qu'ils ne trouvent aucune gêne au jugement que tu auras donné, et qu'ils s'y soumettent totalement. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala: nous t'avons envoyé pour toute l'humanité qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur. Ainsi il ne croit pas, celui qui ne croit pas au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un non-musulman, même s'il prétend croire en Moussa, même s'il prétend croire en Isa alayhi salam comme les juifs et les chrétiens. Et il y a dans cela une réponse claire à ceux qui veulent faire le rapprochement entre les religions. Ceux qui veulent faire le rapprochement entre les religions qu'ils appellent les trois religions monothéistes. Alors que le christianisme et le judaïsme ne sont pas des religions monothéistes. Ils considèrent ou ils adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi les chrétiens considèrent que Jésus alayhi salam est le fils d'Allah. Comment peut-on qualifier cette religion de monothéiste? Cela est une ruse dans l'utilisation des termes. Donc d'appeler au rapprochement des religions est quelque chose qu'il faut condamner, et c'est une chose qui ne peut pas avoir lieu, car la vérité ne peut se mélanger avec le faux. La vérité ne peut se mélanger avec le faux, comme les ténèbres ne peuvent se mélanger avec la lumière, comme le feu ne peut se mélanger avec l'eau. Et Allah Azza wa Jalla a dit, « قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ dis, ô vous les gens, je suis l'envoyé d'Allah pour vous tous. » Je suis l'envoyé d'Allah pour vous tous. Donc le professeur sallam, ou les gens, il leur a été ordonné à tous, sans exception, de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô vous les gens, Allah Azza wa Jalla parle ici à son professeur sallam, dit, ô vous les gens, je suis l'envoyé d'Allah pour vous tous. Allah à qui appartient le royaume des cieux et de la terre. Nul ne mérite d'être adoré que lui. Subhanahu wa ta'ala, c'est lui le vivant et c'est lui qui donne la mort. Croyez ou ayez foi en Allah et à son envoyé, le prophète analphabète. Alladhi yu'minu billah, qui croit en Allah, en ses paroles, et suivez-le si vous voulez être guidé. Fattabi'uhu wa tabi'uhu la'allakum tahtadun. Suivez-le, peut-être seriez-vous guidé. Wa naktafi bihadha al-qadr wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.